ciel bientôt. La neige tissera son grand manteau. Le Père Noël sera présent pour distribuer les jouets à tous les enfants. Et le sapin tout scintillant et ses guirlandes dorées argent. Et oui, ce soir c'est la fête. Changer le...